Vu ce qu'on a entendu, on doit être logé, mais comme on dit, c'est Léon dit. Léon dit, j'aimerais bien que ça s'applique le plus rapidement possible, parce que c'est pas possible de vivre dans des conditions pareilles. De nos vies, on peut en faire un livre. La plupart d'entre nous finissent ivres, ivres de vivre, rêve de passer l'autre rive, sans y arriver comme quand on prive, privé de ne pas t'en sortir. Certains feraient tout pour te nuire. La politique est comme un gros moustique, il te pique ton fric et par la suite prend la fuite. Ils parlent tous de nos vies, mais n'en voient que le profit. Profiter cette journée à travailler pour pouvoir manger, alors qu'à l'assemblée sont tous en train de critiquer s'il y a du bon ou du mauvais. Mauvaise réponse et tu fonces dans les ronces à faire la tronche à tous les cons qui bronchent. Bon shit ou bon shit, là n'est pas la question. Bon beat avec 2-3 mecs, ton mec, ton crew. Tiens plus debout, est-ce là tout pour que je sois à bout. La vie comme une partie de poker, tu peux toujours gagner mais sans joker. Trop de choses irritent, c'est pour ça qu'on a que ce qu'on mérite. On imite les autres avec des mimiques, rien de stoïque. Mais reste statique, trouve une tactique avant que les autres te la piquent. Faut pas te servir du clic-clic, on sait où t'habites. Rase les murs avant de te mettre hors jeu par l'arbitre. Y'a tout qui part en couille, faut que tu t'abrites. Mec, faut que ça cogite, à mode correct. Faut pas que tu fasses le genre de mec qui se la pète. Arrête, personne n'est bête, mais faut que ça bec. Et c'est pour ça que tout pète, on a tous du mal à vivre. Alors on se met ivre, en attendant des jours meilleurs. Bref, un pays dans la peur, ça m'écœure qu'il y ait plus de 70% de Français pauvres et 32 fachos. Comment tout suivre, c'est chaud. On dit des lois mais c'est faux. On veut s'en sortir trop haut. Le ciel on le convoite mais jamais on le touche. Parce que des bâtards te ferment ta bouche. Des fourraillés c'est bien mais pas trop. Faut pas recevoir une douche avant que les flics te couchent, rien dans la bouche. Les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscient que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir. Trop de balles, trop de jazz, trop de classe, trop de classe. Je clash, je flash, me cache, je passe, je rase pas de face. Trop de phrases, trop de passé, trop de mecs cassés, trop de caisses cassées, trop de cœurs brisés, trop de têtes brûlées, va te faire enculer parce que tous flinguent. Trop de singes baignés dans du mauvais linge parce que tous mangent. Je me range à coups de pioche, sale mioche. Trop de ronde car trop de monde, alors je sens le son car pas de saison. Cesse de faire le con, trop de bons, pas assez de troncs, mais assez de pierres. Mais y'a trop de barrières, pas de retour en arrière. Demande à Saint-Pierre comment faire pour se taire. Car trop se taire, car trop de flair, c'est l'aventure. Car trop de ratures, trop de ratures. Aucune salope mûre, aucun mec qui assure. Y'a pas ta mère qui te rassure, mais que la merde qui dit que c'est dur. Vision pure d'un enfer sûr, manque de possibilités. La réelle stabilité, manque de maniabilité. Besoin d'aliter, la galère commence même pour allaiter. Personne m'a aidé, car trop d'idées. Malheur sur ton visage ridé, esprit bridé, couche criée, trop de visée, temps brisé, car trop de fierté, tu tiens pas à flirter avec des sujets qui font que heurter. Trop de râleurs pour monter la chaleur, en bref, trop de doigts en l'air, pareil que les têtes, avec trop de gens bêtes, car y'a trop de mal-être et des malheurs, pas assez de vertu, car trop de mal perdure, c'est hyper dur, jamais trop de mesures, j'en suis hyper sûr, trop de survie quand le froid survient, trop de morsures dans l'hiver malsain. Braise à braiser, trop de jazz à baiser, trop baisse les yeux devant des obstacles à obstruer. Trop de gens savent qui tu es, trop de chiens en liberté, trop de tartes à libérer. Pas de liberté, égalité, pas de dose légalisée. Putain réagissez, est-ce que vous réalisez qu'on nous tient dans la visée, car trop de sommes visées. Ça va mal, ça se passe mal, malaise chaque soir devant cette falaise. Pas la peine d'être balèze pour se sentir à l'aise. L'aisance prend la bien connaissance de cause et de souffrance. Souffrante qui s'affronte face à face tenace, la haine menace ton prochain, ta prochaine et les proches que t'aimes. Toujours les mêmes pour les proches peines de spéculation. Sans monter l'érection pour sa pognon, la tête pleine de fractions en attente d'une réaction. Aucune bonne action, je traînais dehors dans le froid à faire les 100 pas. Ces situations là je ne les sens pas. Tous ces regards remplis de haine pendant que tu cherches une chaleur humaine. Trop de trop peu trop futé, c'est ma lame bien affûtée. Un mec de plus trop bronzé, dans les prisons c'est bondé. C'est la drogue, barreau et condé. Faudrait peut-être prendre des congés ou arrêter de déconner. Et peut-être raisonner ou arrêter de frisonner. On sait ce qu'on est, des personnes honnêtes. Un stylo le cœur et je deviens l'homme lettre. Lorsque l'argent parle, la vérité se tait.